De retour à Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et on annonce sur la carpe, on continue sur la carpe asiatique. Vous avez peut-être entendu cette annonce la semaine dernière disant que la carpe asiatique a été retrouvée dans le Saint-Laurent. Oui Valérie, alors le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec a confirmé récemment la présence de cette espèce envahissante dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. L'espèce a été repérée à 16 endroits différents entre le lac Saint-François et le lac Saint-Pierre. Alors, pour vous situer, le lac Saint-François se trouve à cheval sur la frontière entre le Québec et l'Ontario, et le lac Saint-Pierre est situé entre les îles de Sorel et Trois-Rivières. Alors, l'espèce a été aussi retrouvée à l'embouchure des rivières Richelieu et Saint-François, deux affluents importants du Saint-Laurent. Alors, pour l'instant, elle n'a pas été repérée plus au nord. Mais on va la guetter. Disons, François, cette espèce envahissante, origine d'où? Est-ce que tu peux nous faire un petit historique? Oui, bien sûr. Alors, la saga commence dans le sud des États-Unis au début des années 70. La carpe asiatique est introduite volontairement par des pisciculteurs dans les bassins d'élevage. L'objectif de l'opération est de favoriser la lutte biologique contre les algues, contre les plantes et les escargots qui se trouvent dans les bassins. Mais au cours des années 1970 à 1990, plusieurs inondations surviennent dans ces régions. On suppose que des individus s'échappent accidentellement des bassins d'élevage pour se retrouver dans le fleuve Mississippi. À partir de ce moment, la carpe asiatique colonise le Mississippi et ses tributaires jusqu'au Grand Lac. Alors, elle s'installe donc sur une distance de plus de 1500 km, tout ça en moins de 20 ans. En 2003, le gouvernement américain érige une barrière électromagnétique dans le canal de navigation de Chicago pour empêcher la carpe d'atteindre le lac Michigan, mais la barrière comporte plusieurs lacunes. En 2009, on observe que l'espèce envahissante réussit à franchir la barrière électromagnétique dans le canal et qu'elle ne se trouve plus qu'à 12 km du lac Michigan. Alors finalement, en juillet 2013, le gouvernement américain décide de construire une triple barrière électromagnétique dans le canal. Cette deuxième barrière s'avère efficace pour bloquer leur passage, en fait pour bloquer leur accès au lac Michigan, en fait du moins pour l'instant. Et donc maintenant il est arrivé, donc on doit sûrement se poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on sait de ce poisson et de la menace qu'il représente? Alors on sait qu'il existe quatre espèces de la carpe asiatique, la carpe à roseau, la carpe à grosse tête, la carpe argentée et la carpe noire. Ces carpes sont toutes originaires des rivières, de réservoirs et des lacs de la Chine et du sud de la Russie. Alors, c'est sûrement pour ça d'où elles tirent leur nom. Pour ce qui est des caractéristiques des individus, mais la taille du poisson varie entre 50 à 90 cm de longueur et peut atteindre 1,3 m. Ah, c'est grand quand même. Oui, c'est pas mal grand, effectivement. Alors, Le poisson peut aussi peser plus de 40 kg. Il peut ingérer jusqu'à 40% de son poids en végétaux chaque jour et peut pondre jusqu'à 5 millions d'œufs par année. Pour ce qui est de l'habitat, les milieux fluviaux tempérés sont des lieux de prédilection pour l'espèce. La carpe asiatique aime l'eau courante pour la ponte de ses œufs. Dans l'environnement québécois, elle ne connaît aucun prédateur, aucun compétiteur et aucune maladie. Ouais, c'est ça qui inquiète, hein? Oui, tout à fait. Alors, depuis que la carpe asiatique a envahi les milieux naturels en Amérique du Nord, les scientifiques ont observé une explosion phénoménale de la reproduction de l'espèce et qu'elle a supplanté la plupart des espèces autochtones. Dans les cours d'eau comme le Mississippi ou la rivière Illinois, les scientifiques ont observé qu'elle occupe plus de 50% de la biomasse en poissons et à certains endroits, cette proportion monte jusqu'à 95%. Alors, pour ce qui est du Québec, la carpe à roseau est la seule à avoir été détectée dans le Saint-Laurent pour l'instant. Les carpes argentées et à grosse tête sont celles qui ont été identifiées près du lac Michigan. Alors, pour ce qui est de la menace que ces espèces représentent, ces poissons soulèvent de sérieuses préoccupations en raison des dommages qu'ils pourraient causer au milieu écologique, au milieu récréatif et économique s'ils s'établissaient dans les grands lacs ou encore dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, ils menacent la faune aquatique indigène du Québec en s'accaparant rapidement une grande partie de l'habitat, mais aussi des ressources alimentaires utilisées normalement par les espèces indigènes. Ben oui, c'est ça, il y a une compétition. Exactement, et qui est très forte. Ouais. Et oui, puis ça a l'air de beaucoup manger en plus ces poissons-là. Oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que la carpe a été trouvée à l'embouchure des rivières Richelieu et Saint-François. Est-ce que les lacs qui se trouvent en amont de ces rivières, est-ce qu'ils sont menacés aussi? Ben, il y a de très bonnes chances que les deux rivières soient bientôt envahies. Pour ce qui est des lacs en amont, je sais qu'il y a un barrage à l'embouchure du lac Saint-François. Est-ce que ce sera une barrière suffisante pour empêcher le passage des carpes dans les lacs? Aucune idée, mais pour ce qui est du lac Champlain qui est en amont de la rivière Richelieu, alors s'il n'y a pas d'intervention humaine comme ça a été le cas dans le canal Chicago, ben je ne vois pas pourquoi en fait ce lac-là serait épargné. Pour ce qui est du Saint-Laurent, ben espérons que la salinité de l'eau limitera la propagation de l'espèce en aval. Oui, exactement. Mais on n'en sait rien. Et que prévoit faire le gouvernement du Québec face à cette menace quand même? Pour l'instant, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec n'a pas de plan vraiment pour lutter contre l'invasion de la carpe asiatique. Alors, pour limiter sa propagation, il a annoncé que l'utilisation d'appâts de poissons vivants lors de la pêche hivernale sera interdite à compter de la prochaine saison. Le gouvernement de l'Ontario, lui, pour sa part, a interdit la vente de ces espèces vivantes par mesure de sécurité depuis 2004. Peut-être 2014, je pense. Donc, c'est certainement un dossier qu'on va suivre, sans doute qu'on va en entendre parler encore au printemps ou dans les prochains mois. Et merci dans beaucoup. Les années à venir aussi. Oui, merci beaucoup, François. Merci. On va faire une petite pause musicale suivie des publicités sur CKRL 89.1. Et au retour, on vous revient sur les diètes amaigrissantes à base de produits naturels.